toute énervée, je vais même en pleurer. Je suis toute énervée, et mon lait a débordé. C'est une triste journée, et mon lait a débordé. Hey! J'ai un joli collet, il s'est fait écraser. Je suis tout énervé et je vais même en pleurer. Il s'est fait écraser et mon chien est bien crevé. Hey! Pour pouvoir traverser, les vieux ils me font chier. Ils ne font que traîner, c'est une triste journée. Je vais même pleurer et mon lait a débordé. Hey! Plus de marée, ma voiture est brûlée. Il y a les pompiers et je suis tout énervé. Je voulais me chauffer et un peu rigoler. Hey! C'est une triste journée, il ne fait que pleuver. Je suis tout énervé et mon lait a débordé. Et je suis repéré et par quelques douaniers. Hey! Je suis tout énervé, je vais même en pleurer. Mon lait a débordé et c'est une triste journée. Mon chien est bien crevé et il s'est fait écraser par quelques douaniers et par plein de pompiers. Il s'est fait repérer et mon lait a débordé. Mon lait est tout cramé, les vieux ils me font chier. Pour pouvoir traverser, on peut plus se marrer. On peut plus le tuer, et comme les bruits de maigrir, sans se faire prisonnier, c'est une triste journée. Je suis tout énervé, et je vais même en pleurer. Mon lait a débordé.